La bougie de la place est appelée maintenant à amener l'application des déclarations du 15 juin et du 4 octobre. Sous ce titre, le porte-parole de la Société du District Central et Méridional de l'Association Générale des Coréens en Chine a publié le 25 mars une communication. Il a souligné que la force de la bougie des Sud-Coréens qui a destitué Park Geun-hye l'a persuadé que la force unie des ressortissants coréens patriotiques du dedans et du dehors du pays donnera lieu à la réunification indépendante et à la démocratisation de la société sud-coréenne.